plus rapidement possible à autre chose. En tout cas, nous, on en a visiblement besoin. Le quatrième invité, pas des moindres, rassurez-vous, il est président du nouveau mouvement populaire au Cameroun, analyste critique, leader panafricaniste, que sais-je encore, président Banda Kani qui est à nos côtés. C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous accueillons encore une fois pour ce dimanche. Bienvenue à vous. L'émotion est partagée parce que c'est une instance de partage et d'enrichissement mutuel. Partage de connaissances, tu donnes, tu reçois. C'est pour ça que je suis très heureux de me retrouver avec mes copanélistes, illustres chacun, compétents chacun, et extrêmement brillants. J'ai une pensée spéciale pour notre patriarche, Papa Siliki. Je fais son âge, plein de sagesse, et il est avec nous chaque dimanche pour nous couvrir de son ombre. Donc je suis très content de retrouver le professeur Bélègue, de retrouver mon frère, mon ami, compagnon de lutte, Bertrand Tassinda. Je te salue toi-même, je salue les techniciens, je salue Nathan qui est au four au moulin, je salue Jérôme, et enfin les téléspectateurs historiques qui sont à ta charge au niveau panafricain. Émission historique, voilà, c'est l'émission qui a changé le monde, qui a changé l'Afrique. Donc merci de m'avoir invité, j'ai quelques coups de gueule à votre permission. Rapidement, président. Vous m'autorisez. Allons-y. C'est vous le patron ici. Absolument, président. Je vous remercie, et je voudrais commencer par... J'ai été beaucoup interpellé par des téléspectateurs d'Afrique Média, panafricanistes, qui m'ont interpellé sur des sorties de certains panafricanistes. Ils m'ont vraiment interpellé à propos. Et je voudrais dire ceci. Il n'est pas dans mes habitudes de citer les gens. Je n'ai jamais fait ça. Mais je n'ai jamais cessé de dire à tous ceux qui croient à ce combat, qui sont engagés, de faire extrêmement attention. C'est parce qu'on critique la France, parce qu'on prend position contre les États-Unis, les Occidentaux, qu'on est un panafricaniste. Ça fait longtemps que j'ai dit aux gens, il y a beaucoup de faux panafricanistes. Les Occidentaux travaillent beaucoup, en particulier la France en ce moment, pour infiltrer profondément le mouvement panafricaniste. Je dis bien profondément. Beaucoup d'argent s'écoule, dont les gens ne seront pas au bout de leur peine. Il vous revient à vous, à partir de la base que vous avez accumulée depuis 12 ans, de savoir qui est, de savoir distinguer les faussaires qui viennent s'infiltrer dans le combat, les gens qui retournent leur vers, etc. Ça, vous êtes suffisamment outillés pour le faire. C'est pour ça que moi, je ne prends pas, j'ai déjà eu à dire ici plusieurs fois que je marche avec les faux panafricanistes, je les connais. On est avec eux tous les jours. Mais comme on dit, on fait avec, parce qu'ils vont se démasquer. Parce que les masques tomberont. Et les masques ne cessent de tomber au jour le jour, à chacun de tirer ses conséquences. Donc, que les traîtres trahissent, je l'ai dit ici, qu'ils trahissent même davantage, que les vrais continuent à travailler sérieusement et à s'investir. Les choses bougent, plus on va avancer, plus les masques tomberont. Donc, pour dire que nous, on ne descendra pas à un certain niveau de venir ici, dire tel et tel, on ne fait pas ça. Nous ne faisons pas ça. C'est une option de dignité et d'honneur que nous avons choisi que nous avons choisi comme démarche, mais plus le combat avance, plus les masques vont tomber. C'est inévitable. Donc nous, on ne s'inquiète pas pour ça. Nous savons tout ce que la France fait, ce que les Occidentaux font, mais c'est vain. C'est vain parce que le fondement de ce combat est au-dessus de la France et au-dessus des Occidentaux. Ils ne connaissent pas les fondements. Mais nous, on connaît leurs fondements. Et ça, la différence. Donc, à ce niveau, j'invite les uns et les autres à être sereins. Une fois que vous avez reconnu que quelqu'un n'est pas un panafricaniste, une fois que vous avez qu'un masque tombe, mais vous prenez acte et vous continuez simplement, nous continuons notre marche dans ce combat-là. Donc, vraiment, je pense que j'ai répondu à tous ceux qui m'ont interpellé, n'est-ce pas, à la faveur d'un ensemble d'observations qu'ils ont faites, n'est-ce pas, au cours de certaines émissions. Je ne dirai pas plus. D'accord. Pas plus. Deuxièmement, le second, c'est l'affaire Savannah. Nous avons tourné cette page pratiquement ici. Mais vous voyez, à la suite de ce que nous avons fait, mon cher Fabrice, alors, il y a eu une campagne de communication visant à blanchir. A blanchi M. Frambia. Moi, je cite le nom. A blanchi M. Frambia. Et ça fait rire parce que, à force de se blanchir, il s'est plutôt enfoncé. J'ai dit cela dimanche dernier que, on ne parle pas de ça. Qui a accusé Savannah Energy? Comment tu peux te défendre alors que tu n'es pas accusé? On ne t'accuse de rien, tu veux te défendre. Ça veut dire que tu es en train de dire en fait que c'est toi le voleur. il y a Savannah Energy et il y a Savannah Midstream. C'est deux entités différentes. Donc, malgré les démentis de la situation, nous savons, et maintenant c'est connu, maintenant c'est de plus en plus public, j'avais pris sur moi, par respect pour mon pays, de ne pas diffuser certaines informations. Parce que nous sommes des patriotes. On a un droit de protection à l'égard de notre pays. C'est une exigence. Mais lorsque les gens, au lieu de se taire, s'agitent et veulent faire croire aux gens qu'ils sont venus s'asseoir pour dire n'importe quoi. Ah, moi j'ai dit, mais tant pis pour vous. Parce que maintenant, c'est connu. Monsieur Frambier est impliqué dans cette affaire. Il est impliqué, il n'y a pas de débat. Il était au Tchad pour ça. Ça ne sert à rien de s'agiter. Les proches dans la famille présidentielle sont impliqués dans cette affaire. Donc il faut arrêter ça. Les gens vont jusqu'à vouloir mettre en péril des relations diplomatiques entre deux pays pour des intérêts égoïstes, primaires et purement personnels. Parce qu'ils peuvent associer leur nom à celui du président. Il faut à un moment donné, il faut arrêter ça. Le Cameroun ne vous appartient pas, ne vous appartiendra jamais. Je dis bien jamais. Vous n'avez pas les moyens d'être propriétaire du Cameroun. Le Cameroun est quelque chose qui vous dépasse de très loin. Donc, il faut savoir raison garder. Le patriotisme, ce n'est pas... ce n'est pas la peur. C'est pas la peur. Donc, n'essayez pas de vouloir nous ridiculiser. Ça va vous coûter cher parce que nous savons de quoi nous parlons. Les données sont là. L'information sont là. C'est l'implication des membres de la famille présidentielle qui a créé ce problème. C'est ça. Maintenant qu'il a commencé à être réglé par l'action du patriarche président, nous sommes contents et on s'arrête là. Mais que les gens arrêtent de s'agiter un peu. Il faut faire attention. Il ne faut pas s'agiter. Nous, on ne veut pas s'asseoir ici pour dire n'importe quoi. Quand on parle ici, on a les éléments. Vous allez loin, on sort les éléments. Donc il faut arrêter ça. Et il faut se ressaisir. On doit prêcher par l'exemple. Quand on est autour du président, on prêche par l'exemple. Et sur les ambitions politiques, on a un comportement à la hauteur de ces ambitions. Bien sûr. Ça, c'est du banditisme, ça. Pur et simple. Donc, cette affaire-là, aujourd'hui, nous soutenons la dynamique de réconciliation entre les deux pays, la dynamique qui est engagée par l'action du patriarche. Ça, c'est tout notre soutien. Pour le reste, les gens qui s'agitent, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Donc, il y a l'opération Mot d'avion. Bertrand, tout à l'heure, a parlé de ça. Alors, juste pour dire deux choses. Vous savez, dans cette affaire, les concernés, les multinationales ne parlent pas. Jusqu'ici. Ne parlent pas. Mais ils ne peuvent pas parler. Parce que c'est du banditisme pur et simple. C'est du vol. C'est de la narque, c'est de l'escroquerie. Mais on a trouvé quelques nègres de service, comme d'habitude, vous voulez dire n'importe quoi. Mais alors du n'importe quoi. Vous avez des gens qui sont, monsieur Sombadieu de Nézu, qui braille tout le temps. Il vient s'asseoir et dit que non, les multinationales sont dans leur rôle de profiter, de faire du profit. Mais je crois que les gens confondent tout dans ce pays. Mais le profit est une chose. Mais le vol, c'est autre chose. L'anarque, c'est autre chose. Est-ce qu'on parle de profit? Orange, MTN, mais c'est plus du profit. Ce n'est plus du sur-profit. Ce n'est même pas de ce qu'on appelle en langage scientifique, fallu comme ça, mais ce n'est même plus de la plus-value extra. C'est le profit, c'est le sous-profit, c'est la plus-value extra, tout ça est accumulé, c'est du vol, c'est du pillage, c'est du brigandage qu'il s'agit. Il ne faut pas confondre les deux. Ces entreprises sont déjà rentrées dans leurs frais depuis très longtemps, depuis très très longtemps. Elles payent le pays, c'est cela qu'il s'agit. Alors, si on vient nous dire que non, elles sont dans leur rôle de faire ça, mais disons, à quoi ça sert de bavarder tous les jours alors sur les plateaux? Vous critiquez donc quoi? Vous parlez de quoi? Si tout se justifie par le besoin de profit, mais vous reprochez quoi à M. Biya? Qu'est-ce que M. Samba dénonce sur les jeux sur l'économie du Cameroun? Puisque tout se justifie. Comme le profit est la valeur phare, vous ne pouvez pas empêcher des fonctionnaires de piller le pays, n'est-ce pas, de profiter de leur position, n'est-ce pas, de leur position publique pour s'enrichir à titre personnel, puisque vous célébrez le profit. N'exigez pas l'avènement de la bonne gouvernance, puisque vous dites que tout se justifie. À partir du moment où j'ai besoin de profiter, tout est permis. Il y a M. Kakde qui est le conseiller économique du chairman Frondi du SIF. Mais c'est quand même terrible. Il justifie le comportement de MTN et d'Orange par le fait que Camtel les ferait de la concurrence déloyale. Mais vous vous rendez compte? Il est conseiller de M. Frondi. Heureusement que M. Frondi n'est pas au pouvoir. Ça sera la catastrophe dans ce pays, professeur Bellec. Vous écoutez ça, le conseiller d'économie de M. Frundi. Il dit que non, vraiment, Orange et MTN, c'est-à-dire, souffrent de la concurrence déloyale de Camtel. Et qu'au lieu de s'en prendre à MTN et Orange, il faut s'en prendre à Camtel. Et c'est un super économiste, surdiplômé, qui donne les conseils à M. Frundi. Donc ça veut dire que Orange et Camtel sont arrivés au Cameroun, elles n'ont pas fait d'études de marché, elles n'ont pas vu Camtel, elles ne connaissent pas ce que Camtel fait, quel était son rôle. Et que vraiment, en voulant nous faire tellement du bien, Camtel est sorti dans le trou avec sa méchanceté légendaire pour empêcher Orange et MTN d'aider les Camerounais. C'est quand même terrible ça. Mais ces gens font du surprofit avec Camtel en l'état. Fabrice Doum. En l'état, ils font du surprofit. Camtel n'a jamais empêché à MTN et NIO de se brûler les poches en arnaquant et en estoquant les Camerounais. Comment on peut arriver à ce niveau d'antipatriotisme et de manque d'éthique même dans ce qu'on appelle la démarche même purement économique? Comment on peut poser des choses comme ça? Comment on peut justifier les crimes de MTN et d'Orange par le fait que Camtel les ferait de la mauvaise, de la concurrence déloyale? Donc j'ai tenu vraiment à insister sur ces affaires-là pour dire que ce ne sont pas des arguments, ça. Si on n'a rien à dire, on s'éteint. Orange et MTN sont des multinationales, c'est-à-dire elles n'existent que pour voler, qu'on les laisse voler, pour piller et s'enrichir. Et les faits sont, il y en a même qui sont allés sortir les faits des exemples comparatifs pour dire que non, le téléphone n'est pas si cher au Cameroun que ça. Que vraiment en France, ce n'est pas aussi. C'est-à-dire que c'est pratiquement, sur certaines conditions, on est à égalité de prix. Où est-ce que le niveau des gens peuvent aller? Où est-ce que le niveau des gens peuvent aller? Ils sortent des statistiques comme ça pour tromper les naïfs, ils les alignent et les gens croient aux bêtises. Donc les Camerounais sont fous. Nous sommes des fous, nous ne sommes pas en mesure de voir que nous chargeons un crédit le matin et à 10h on n'a plus le crédit. Ça, on n'a pas besoin de voir ça. On n'a pas besoin de voir qu'il n'y a pas de réseau. C'est tellement. Le réseau est tellement mauvais! Tellement nul, quasi nul. Ça, on ne peut pas voir ça. Il faut aller à l'école pour voir ça. Mais c'est mon téléphone, les gens voient ça. Non. On veut justifier n'importe quoi. Donc vraiment, nous apportons le soutien en mode avion. Continuez. Nous sommes derrière vous. Je suis avec l'affaire d'Ikolo. Avec votre permission. Parce qu'on m'a demandé. C'est important de lire le message. Avec votre permission. Donc, il a noté que depuis un an, à l'attention des victimes de d'Ikolo, il a noté que depuis un an, avant, pendant et après les destructions et déguerpissements de d'Ikolo, de nombreuses associations et mouvements Sawa se sont mis en branle pour créer une réaction de masse, comme nous l'avons observé pendant les manifestations. Ces différentes manifestations publiques et populaires ont mis la pression aux autorités administratives et politiques, ce qui a entraîné l'arrêt de tout éventuel travaux sur le site et aussi l'ordonnance d'une commission ad hoc instaurée par le chef de l'État du Cameroun, président de la République du Cameroun. Toute cette organisation stratégique a été initiée par le mouvement Kodasawa, en tête de la coordination, autour duquel d'autres mouvements se sont arrimés, notamment le collectif de fils et filles de Bonanjo, la chefferie de Bonasama, Sawa United, Conscience Sawa, le Grand Littoral, Union et Résistance Sawa, pour ne citer que les principaux. C'est grâce à l'implication présentielle, matérielle, financière et humaine de toutes ces associations que la fête d'Ikolo a pris une dimension nationale et même internationale. Les grands regroupements populaires, les marches et revendications, les conférences de presse, les passages sur les plateaux télé, les reporters sur les victimes de d'Ikolo, les collectes de dons numériques et physiques, tout ceci est la résultante des œuvres instituées par ces différentes associations citées plus haut. De la même façon comme il y a un an, ces équipes sont à pied d'œuvre afin que le triste anniversaire prochain puisse raviver la flamme de notre revendication principale, retourner sur nos terres et obtenir réparation et dédommagement. Il y a quelques jours, on vous a transmis la liste de la cellule de communication qui est à pied d'œuvre de la bonne marche des différents programmes à venir. Vous serez informé en temps réel des différentes articulations. Alors, M. Patrick Moudi-Sabel, pour le compte de la cellule de communication. Alors, moi, je lis ce message parce que, faut le dire, il y a des revendications foncières dans notre pays. Elles sont liées à des injustices historiques, coloniales. C'est une chose. Mais toute démarche tribaliste qui se cache derrière toute dynamique foncière, je m'en désolidarise. Nous ne sommes dans aucune dynamique tribaliste. Aucune dynamique tribaliste. Parce qu'au Cameroun, maintenant, c'est la mode. C'est la mode. Donc, il y a des injustices historiques foncières que notre pays connaît. Il faut les régler. C'est une chose de les poser. D'Ikolo a posé ce problème sur la table. Nous sommes très distants, nous connaissons ce qui se passe, y compris l'implication de certains qui crient maintenant envers les victimes, qui crient, de certaines autorités, même Sawa, qui crient maintenant alors qu'elles sont, elles sont impliquées dans ces bradages. Ça, on fait la part des choses. Mais le problème qui est posé, à savoir l'injustice historique foncière que des peuples ont subi à la faveur de la colonisation, nous apportons tout notre soutien. En même temps, nous démarquons de toute approche tribaliste qui instrumentalise la question foncière pour disloquer le Cameroun. Les choses doivent être claires et précises par rapport à ça. Merci infiniment à vous. On se dit rapidement un mot sur le fait d'accueillir. Est-ce que l'on est allé véritablement trop loin dans la dynamique de provocation, je l'ai dit prosaïquement comme cela, vis-à-vis du Kremlin? Ben écoutez, Fabrice, nous. D'abord, moi je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour garder notre santé mentale, pour nous préserver. Moi, je ne sais pas comment un homme normal peut encore croire à ce qui vient d'un occidental. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas comment on fait. Vraiment, si quelqu'un me raconte, même là, il n'y a même plus de science, débat, il n'y a pas de débat scientifique à faire avec les occidentaux. Il n'y a pas de débat à faire avec eux. Ils ne sont pas crédibles, ils sont des menteurs. Ils mentent depuis qu'ils existent. Ils n'ont fait que ça. Ça ne s'est pas arrêté. Voilà pourquoi Poutine les a appelés. On les a appelés l'empire du mensonge. Vous comprenez? C'est pas comment les gens font pour prêter attention à ces gens-là. Et ils veulent nous épuiser dans les débats stériles. Le mensonge est condamné à terme. Le mensonge est maudit à terme. Donc on voit comment de plus en plus le mensonge ne font que voler en éclats. Voler en éclats. Les bulles mensongères éclatent au fur et à mesure. Est-ce que ça agit aux gens de dire aux gens que non, que Poutine a fait un montage lui-même? Quand Biden ouvre sa bouche pour parler là, il n'est même pas normal. Est-ce qu'il y a un normal, Joe Biden? Il n'est pas normal, il n'est pas en santé, il n'est pas normal. Tout le monde connaît ça. Quand il ouvre sa bouche, il peut lire ce qu'on lui a demandé, il peut lire ce qui a été écrit. Même quand il met les pinces bêtes, il n'arrive même pas à. Même quand les pinces bêtes l'aident, il est toujours plus bête. Allez, vous connaissez les pinces bêtes? Vous savez ce qu'est une pinces bêtes, c'est non? Quelqu'un qui a été élu par les Américains. Il a été élu par qui? Aux États-Unis. Et par les algorithmes, oui. Allons-y, président. Donc, il a été élu par les algorithmes, oui. Comme M. Macron. C'est vrai que les résultats ont été donnés, M. Macron, c'est les études de sondage qui ont donné les résultats de l'élection présidentielle à France. J'espère que vous retenez ça. Dans le Conseil constitutionnel, vous le validez après. Je suis en train d'indiquer que M. Biden, même quand il a un pensée bête, quand il a un pensée bête, ça l'empêche d'être bête. Donc il ne comprend rien. Il est comme ça, il ne comprend rien. Ces gens-là, tout ce qu'ils disent est faux. Donc quand ils vous disent que c'est Poutine qui a fait le montage, mais il ne faut même pas prêter la moindre attention à ça. Mais depuis que la guerre a commencé, ils ne font que mentir. Ils mentent. Pourquoi pensez-vous que sur la question précise du drone là, ils vont dire la vérité? Pourquoi ils vont dire la vérité? Pourquoi? Je voudrais vous rappeler qu'à l'heure actuelle, qui a intérêt à l'escalade? Qui a intérêt à l'escalade? C'est pas Poutine. Poutine n'a aucun intérêt à l'escalade. Il est en train de gagner sa guerre et il a réussi à élargir la guerre militaire et en faire une guerre de civilisation, une guerre économique, socio-économique. Et dans cette guerre-là, l'immense majorité de l'humanité est derrière la Russie. Est derrière la Russie. Donc quel est l'intérêt de M. Poutine aujourd'hui à manœuvrer pour une escalade, mon cher Fabrice, à dire pour l'escalade? Dans un contexte où il a quasiment toutes les manettes à main. Clairement, ça dit que quel est l'intérêt à le faire? Il n'a pas intérêt à le faire. Mais ceux qui ont intérêt, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN. Parce que si ça continue comme ça, plus les choses évoluent, plus. Elle dit, comment on dit ça? C'est quand j'ai demandé tout à l'heure si on n'est pas allé véritablement trop loin dans la dynamique de provocation, en tout cas. Oui! Du président russe. Je suis en train de poser les bases. Elle dit que pour que les gens. Je suis en train de vouloir me faire comprendre en disant que si on dit que c'est Poutine qui l'a fait, je veux qu'on me fasse quel intérêt Poutine gagne à faire ça. Quelle est la Russie? Quelle est Poutine la Russie? Quel intérêt la Russie gagne à faire un pareil montage? À faire ce montage? Il gagne quoi? D'autant plus que si vous faites un montage, on va démontrer que vous avez fait un montage. Bien mais sûr. Ceux qui disent que c'est un montage n'ont pas démontré que c'est un montage. Quand les Américains, l'OTAN faisait des montages en Ukraine pour justifier les crimes, pour inventer les crimes de guerre, Poutine les a dit, allons à l'ONU. Yeah. Et à l'ONU, ils venaient démontrer. C'est eux qui fuyaient. Yeah. Ils ont fui. Ils ne venaient jamais. Parce qu'on avait démonté le mensonge. Vous dites que Poutine a fait, la Russie fait un montage. Apportez les preuves du montage. Vous n'apportez aucune preuve. Vous parlez, vous mentez comme d'habitude, et il faut qu'on croie vos mensonges. Il faut qu'on vous accorde de l'attention. Quel homme sérieux accorde l'attention à des menteurs comme ça? Regardez comment ils ont menti sur le Covid. Tous les jours qui passent, ça se déconstruit tous les jours. Tous les jours. L'autre jour en France, n'est-ce pas? La partie sorcière qui est à l'Élysée a décidé que non, maintenant, on abroge l'obligation vaccinale pour les soignants. Les personnes soignantes. Vous vous rendez compte? Et moi, je pose une question. Comment le Covid est en train de finir là? Est-ce que la fin du Covid a une base médicale? Je dis, est-ce que la fin du Covid, la fin de la pandémie dite du Covid, est-ce que ça a été, comme ça a été annoncé, est-ce que c'est comme ça que ça a pris fin? Nous savons que depuis la guerre en Ukraine, le Covid a dit que bon, j'ai peur de Poutine et ses bombes, moi, je vais me cacher. Le virus est allé se cacher. Voilà. Et depuis qu'on est, depuis que la guerre a commencé, le virus se cache, personne n'est malade. C'est Fabien Zoum, personne n'est malade. L'OMS ne dit rien, c'est malin qui s'en fait vouloir faire une sortie. Donc c'est pas une pandémie pour ce Belek. C'est pas une pandémie. Puisque les processus normaux, non seulement d'annonce d'une pandémie et de dire que bon, ok, la pandémie est finie, c'est-à-dire que ces processus sont dans une impossibilité d'être gérés dans les canons habituels. Bien qu'à partir de là, je pose une question. On nous a dit ok, mesures barrières, tout le monde entier, allez, à terre. Confinement. Mais c'est pas de quoi on nous a dit. Mais si, bon, maintenant, pourquoi nous sommes plus confinés? Pourquoi subitement on n'est plus confinés? Moi, je pose la question. Est-ce qu'on nous a dit que bon, okay, le virus est terminé, c'est maîtrisé, il n'y a plus de pandémie? Non, monsieur, je te rappelle, c'est la guerre en Ukraine. C'est Poutine. Dès qu'il a massé ses soldats à la frontière de l'Ukraine, le virus a dit que bon, moi, je ne suis plus là. Le virus a dit, moi, Poutine est dangereux, je me cache. Non, ce n'est pas un virus. Un virus qui a peur de Poutine parce qu'il a ses armes et bandit les muscles, ce n'est pas un virus. Est-ce que vous comprenez ça? Et maintenant, on vous dit qu'on a approché l'obligation vaccinale en France. C'est la base de quoi? Et ceux qui ont été donc licenciés bien avant. Oui. On dit qu'on va les réintégrer. D'accord. Vous comprenez ça? Donc, c'est pareil. Ce sont les mêmes gens qui sont en train de vous dire que M. Poutine a fait un montage pour justifier une action future. Vous avez oublié, ils sont des menteurs, ils racontent des histoires. La Russie n'a aucun intérêt à l'heure actuelle à faire de telles manœuvres. Aucun intérêt, mon cher. Par contre, c'est l'OTAN qui a intérêt à l'escalade. Parce que la situation évolue normalement. L'OTAN est menacée. Vous savez pourquoi? Dans quelques mois, il y a l'élection aux États-Unis. À l'heure actuelle, tous les sondages disent que Trump est gagnant. Mm-hmm. Vous comprenez? Et il a pris des mesures pour que le scénario de la fraude de la dernière fois ne se répète. Malgré les faux procès qu'on monte là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Les dossiers sont vides. C'est vide. Après, donc, vous ne pensez pas voir la panique? Écoutez bien. Vous imaginez le degré de panique qui saisit les mondialistes et les atlantistes à la seule idée que Donald Trump peut être réélu. Et il a déjà dit depuis dans ses meetings que si je suis réélu, je me fais à la guerre en Ukraine le lendemain. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il dit je me fais à la guerre le lendemain en Ukraine. Vous, si vous faites cette petite merde, vous amusez ou quoi? Deuxièmement, les avancées de l'armée russe en Ukraine. Maintenant, vous l'a dit, mais Bambou est tombé depuis. Depuis 4 mois. Mais les menteurs disent que non, c'est pas tombé. Ils disent ils nient, Fabrice, ils nient. Donc, qui a intérêt aujourd'hui à ça? Alors, les Américains ont déjà commencé à dire, il y a quelques semaines, que non, M. Zelensky a détourné de l'argent. Près de 400 millions de dollars détournés. L'aide, la CIA. Et deuxièmement, ils ont donné le scénario de sa fin. Ils ont dit que les Ukrainiens vont se révolter et vont le tuer. Suivez bien. Rien ne sort par hasard. Il faut connaître à qui on a affaire. Quelques instants après, on a un drone au-dessus de l'Ukraine. Mais qui a intérêt à tuer Zelensky maintenant? Bon, il ne le sert à rien. C'est un voyou. Mais peu importe, je vous dis maintenant. C'est-à-dire que qui a intérêt à le tuer? Les gens vous disent que non. Il a détourné de l'argent et. Le peuple russe, le peuple ukrainien va le tuer. Ce sont des messages courts. Quand les Américains utilisent quelqu'un, quand ils veulent le démolir, ils font des choses comme ça pour justifier. C'est là qu'il s'agit. C'est un agent. Donc il va finir comme tous les agents américains. Et personne ne va pleurer ce voyou sur cette terre. Qui va pleurer, ne s'est révélé comme ça. Donc, monsieur Zelensky, après on vous dit non. Après Zelensky dément, il dit non, vraiment, c'est pas moi, c'est pas lequel machin qu'on sort. Après on dit que les Russes veulent tuer Zelensky. Donc, la conséquence, c'est que Poutine va frapper Zelensky. Mais vous ne pouvez pas voir que c'est cousu de toutes pièces, là. C'est un scénario qui n'a pas de sens. On est en train de les taper dans la guerre de manière propre. Dans le monde entier, on voit comment les peuples se désoccidentalisent sans une guerre générale. On voit comment l'Arabie Saoudite rompt les relations avec les États-Unis. C'était bon pour mon pétrole sera vendu en yuan. Bien sûr, oui, on voit comment les BRICS sont en train d'émerger. Ça se voit, les peuples s'émancipent, disent non à l'Occident, refusent de plier malgré les sanctions, les pressions de l'Union Européenne et des États-Unis. Malgré sa loi sauvage, elle a voté contre les Africains. Les gens résistent. Et Poutine a dit je viens à l'Afrique du Sud. Est-ce que vous avez voulu le courant? Bien sûr, absolument. Il dit je viens. Bon, ok. Nous allons voir comment on va l'arrêter. Il dit que je viens. Tout ça, tout ce processus, qui a intérêt à le détruire? C'est pas Poutine, c'est l'OTAN. Ce sont leurs traditions, M. Fabrice Doum. Qui a bombardé les oléoducs? Mais eux qui sont si prêts à faire les enquêtes, pourquoi est-ce que maintenant, on n'a même pas d'enquête. À publier les résultats des enquêtes? C'est un Américain indépendant, lui qui a publié, dit que monsieur, ce sont les Américains. Absolument. Monsieur le journaliste, vous le rappelez qui? un journaliste américain, son nom ne revient pas. Donc il a dit, c'est clair, c'est les Américains qui l'ont fait. Et c'est Biden l'avait dit, c'est un acte de guerre. Ouais. Vous comprenez? Ils sont très vite, les Européens sont très forts à parler. Monsieur Macron a fermé sa bouche depuis qu'on a bombardé les oléoducs. Pourtant la France est dans l'entreprise, elle est actionnaire de l'entreprise qui gère les oléoducs. Donc elle est partie prenante. Monsieur Macron, petit bavard, a fermé sa bouche. Et quand on va dire qu'il s'agit de l'Afrique, sa bouche est fermée. Le chancelier allemand a fermé son bec. Ouais, c'est pas une bouche, c'est un bec. Il a fermé son bec. Je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire, cette prétendue présidente de l'Union européenne, qu'on va arrêter bientôt, a fermé sa bouche. Aucun pays européen n'a bronché, aucun. Vous pouvez m'expliquer ça, hein? Il y avait un acte aussi criminel, barbare. Que ils se sont les tous se taisent. Les mêmes gens, leur bouche, leur bec s'ouvre subitement, à l'intérieur du corps. Ça dit qu'ils bavardent, ils bécotent, comme disait Georges Brassens. Ils bécotent, bécotés. Vous savez, vous connaissez bien ce mot-là. Ils bécotent, là. Chacun vient accuser la Russie. Non, c'est Poutine qui a fait ce marché de console. Mais parler des oléoducs, là, c'est un acte de guerre. En pleine Europe. Et qui a créé une situation où l'avantage compétitif des Européens basé sur l'énergie moins chère, ils l'ont perdu. Et les entreprises sont en train de s'écrouler. C'est un acte de guerre violent. Ils n'en parlent pas. Mais ils sont très forts. C'est Vladimir Poutine qui a organisé ça, monsieur Doum. Ouais, donc c'est du mensonge pur et simple. Comme professeur Basile qui a dit, le président Poutine est connu pour son gros sens de l'État. Et il mesure très bien les responsabilités qui sont les siennes. Au niveau mondial aujourd'hui, il ne tombera pas dans ce piège. D'accord. Et s'il faut frapper, il sait où frapper, il sait qui frapper, et il sait de façon, il connaît le niveau de proportionnalité qu'il faudra utiliser pour frapper. Merci. Merci infiniment à vous, président Badakani. Afrique Média, le monde, c'est nous.